6. Combat nocturne. Tout en parlant, le chemin disparaissait sous nos pieds, et nous nous trouvâmes près du ruisseau et des nôtres sans nous en être aperçus. Bill, la première, nous flaira et se mit à aboyer. Turc lui répondit, et le petit malheureux singe en fut si effrayé qu'il rompit ses liens et se réfugia de nouveau sur l'épaule de Fritz, dont il ne voulut plus déloger, tandis que Turc, qui connaissait le pays, nous quitta bientôt au galop pour aller annoncer notre arrivée. Nous retrouvâmes les pierres qui nous avaient aidés à passer le ruisseau dans la matinée, et nous fûmes bientôt réunis au reste de la famille qui nous attendait sur la rive opposée. Les premiers moments d'effusion à peine passés, mes petits fous se mirent à sauter en criant « un singe vivant! Comment l'avez-vous pris? Comme il est gentil! Qu'est-ce que c'est que les noix que papa apporte ?» Une question n'attendait pas l'autre. Enfin, lorsque le silence se fut un peu rétabli, je pris la parole. « Soyez tous les bien retrouvés, mes bien-aimés, m'écriai-je. Nous revenons grâce à son rendu à Dieu, en bonne santé, et nous rapportons avec nous toutes sortes de richesses. Mais ce que nous cherchions, nos compagnons de voyage, nous n'en avons pu apercevoir aucune trace. « Si telle est la volonté de Dieu, dit ma femme, sachons-nous y conformer, et bénissons sa main, qui nous a sauvés et qui vous ramène sain et sauf après cette journée, qui m'a semblé aussi longue qu'un siècle. Racontez-nous ce qui vous est arrivé, mais d'abord, débarrassez-vous de vos fardeaux que vous avez portés si longtemps. » On nous débarrassa rapidement de tout notre attirail. Ernest était chargé des noix de coco, et Fritz partagea entre tous ses frères les cannes qui furent reçues à grands cris de joie. Ma femme fut aussi très satisfaite de ses cuillères et de ses assiettes de calebasse. Cependant, nous arrivâmes à notre tente et nous trouvâmes un souper succulent. Sur le feu, je vis d'un côté un peu de bouillon et des poissons enfilés dans une brochette de bois. De l'autre côté, une oie en brochet de même rôtissait et laissait tomber sa graisse abondante dans une vaste écaille d'huîtres placée au-dessous. Enfin, plus loin, un des tonneaux que j'avais pêché, ouvert et défoncé, laissait apercevoir les plus appétissants fromages de Hollande qu'il fut possible de voir. Moi. Mais mon ami, c'est bien à vous d'avoir pensé à nous autres, mais c'est pourtant dommage d'avoir tué cet oie. Il faut être économe de notre basse-cour. La mère. Rassure-toi, nos provisions n'ont point eu à en souffrir. Ce que tu prends pour une oie est un oiseau qu'Ernest assure être bon à manger. Ernest. Mon père, je crois que c'est un pingouin. Et il me cita les caractères auxquels il avait cru le reconnaître. Je confirmai son assertion et remarquant l'impatience avec laquelle tous les yeux étaient tournés vers les noix de coco, nous nous assîmes par terre et nous prîmes dans les assiettes de calebasse une bonne portion d'excellent bouillon. Nous ouvrîmes ensuite les noix de coco après en avoir recueilli le lait. Mais Fritz, se levant tout à coup, me dit « Mon père, et mon vin de champagne, vous l'avez oublié ?» Il prit en même temps la bouteille, mais hélas, le vin était devenu du vinaigre. Il n'en fut pas bien moins reçu, car il nous servit à assaisonner nos poissons. Le pingouin était presque rebutant, tant il était gras. À l'aide de ce vinaigre, il devint mangeable. Pendant notre repas, la nuit était venue. Nous regagnâmes notre tente, où ma femme avait eu soin de rassembler une nouvelle quantité de mousse. Tous les animaux reprirent chacun leur place. Les poules sur le sommet de la tente, les canards dans les buissons du ruisseau. Fritz et Jack firent coucher le petit singe entre eux deux pour qu'il eût moins froid. Je me couchai le dernier, comme de raison, et nous goûtâmes tous bientôt un profond sommeil. Nous dormions depuis peu de temps lorsque je fus réveillé par le bruit de nos poules qui s'agitaient sur le sommet de la tente et les aboiements de nos dogues. Je me dressai aussitôt sur mes pieds. Ma femme et Fritz en firent autant. Nous saisîmes tous trois des fusils et nous sortîmes de la tente. À la clarté de la lune, nous aperçûmes un effrayant combat. Une douzaine de chacals au moins environnaient nos deux braves chiens qui n'avaient mis 4 ou 5 hors d'état de nuire et qui tenaient les autres à distance. « Attention ! » Déjà Fritz, vise bien et tirons ensemble pour châtier comme il faut ces maraudeurs. Nos deux coups n'en firent qu'un. Une seconde explosion acheva de disperser nos ennemis. Nos deux chiens se jetèrent sur les morts et les dévorèrent. Fritz leur en enleva pourtant un et me demanda la permission de le traîner dans la tente pour le faire boire le lendemain à ses frères. Il ressemblait assez à un renard. Il était de la taille et de la grosseur de nos chiens. Nous laissâmes ceux-ci s'abreuver du sang des vaincus auquel ils avaient droit par la bravoure qu'ils avaient montrée. Nous revînmes prendre notre place sur la mousse près de nos enfants chéris que le bruit n'avait pas même éveillé. et nous dormîmes jusqu'à l'aurore suivante, où ma femme et moi, réveillés par le chant du coq, nous commençâmes à réfléchir sur l'emploi de cette journée.